Voici les cinq autres poèmes que j'ai sélectionnés dans le recueil publié par Verlaine en 1885, intitulé Jadis et naguère. Pierrot. Ce n'est plus le rêveur lunaire du vieillard qui riait aux aïeux dans le dessus de porte. Sa gaieté, comme sa chandelle, hélas, est morte. Et son spectre aujourd'hui nous hante, mince et clair. Et voici que parmi l'effroi d'un long éclair, sa pâle blouse, à l'air, au vent froid qui l'emporte, d'un linceul, et sa bouche est béante, de sorte qu'il semble hurler sous les morsures du verre. Avec le bruit d'un vol d'oiseau de nuit qui passe, ses manches blanches font vaguement par l'espace des signes fous auxquels personne ne répond. Ses yeux sont deux grands trous où rampe du phosphore, et la farine rend plus effroyable encore sa face exsangue, au nez pointu de moribond.